Just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Je désire faire de mon mieux depuis la seconde où la caméra se met en mouvement jusqu'à celle où elle s'arrête. À ce moment-là, je veux être parfaite. Just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you. Hello. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Huitième épisode. En juillet 1962, quelques semaines avant la mort de Marilyn, alors que Ralph Grinson, le psychanalyste de la star, voyageait en Europe, son ami l'écrivain Truman Capote lui avait rendu visite dans sa maison de Brentwood, à Hollywood. Ils burent plusieurs verres de leur cocktail préféré, vodka, gin, sans vermouth, qu'ils appelaient Ange Blanc. Tu as maigri? Quelques kilos. 6-8, je sais pas. Si tu continues, on va voir ton âme transparaître à travers ta chair si fragile. Te fous pas de moi. C'est de qui cette phrase? De moi. On n'est jamais si bien cité que par soi-même. Et ton âme? Elle voyage. Ralph, mon sauveur, Romy, est remonté au ciel à la droite de Freud. Il colloque en Europe. Ta psychanalyse va te tuer. Arrête ça. Et toi? Comment tu te soignes de l'amour? Par l'amour. J'en meurs. Truman Capote et Marilyn s'étaient rencontrés en 1950 lorsqu'elles tournaient The Asphalt Jungle, Quand la ville dort, de John Huston. Par-delà leurs différences, l'écrivain homosexuel et l'actrice sex-symbole se ressemblaient énormément. Un fou blanc. Voilà comment elle me voyait. Elle et moi étions faits pour nous croiser. Pas pour nous toucher. On peut se rencontrer sans se toucher. Elle avait été prostituée occasionnelle, mais pour elle, l'argent restait toujours lié à l'amour, pas à la sexualité. Elle donnait son corps à tous ceux qu'elle croyait aimer, et donnait de l'argent à tous ceux qu'elle aimait. Elle aimait aimer. Elle aimait se dire qu'elle aimait. Elle partageait avec lui une souffrance secrète. Même abandon dans la petite enfance, même irruption de la sexualité violente des adultes, même usage destructeur des drogues et du sexe, même trouble devant les difficultés de leur art, même panique devant le succès, même faim dans la déchéance du corps, même mort d'une surdose médicamenteuse. Te rends-tu compte de ce que c'est que d'être moi? Un nain laid et pris de beauté. Un méchant et malheureux garçon de nulle part qui passe son temps à transporter des mots d'un être à un livre. Un livre à un autre. Un PD qui ne s'entend qu'avec des femmes. Je peux deviner. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que d'être moi? C'est pareil. Avec en moi les mots pour dire qui je ne suis pas. Il s'était revu à New York en 1955. Elle habitait une suite au 6e étage de l'hôtel Gladstone. Et en février, elle avait pris son premier cours à l'Acteur Studio. Alors, comment ça se passe avec Strasberg ? Il m'a demandé d'ouvrir mon inconscient. Pour une fois qu'on ne demande pas d'ouvrir ma bouche ou mes jambes. Tu parles d'une aubaine ? Ok. Un jour, l'écrivain la conduisit chez Constance Collier, dans son studio sombre de la 57e rue Ouest. La vieille actrice, presque aveugle, lui donna des cours de diction et lui apprit à se servir de sa voix. Constance dit ensuite de Marilyn : C'est une belle enfant. Elle a quelque chose. Je ne pense pas du tout qu'elle soit une actrice au sens traditionnel du terme. Ce qu'elle a, cette présence, cette luminosité, cette intelligence à fleur de peau, cela ne passerait pas la rampe au théâtre. Ça palpite, c'est trop fragile, trop subtil. Seule la caméra peut l'attraper, comme un oiseau mouche. La caméra seule peut saisir la poésie de son vol. J'espère vraiment, de tout mon cœur, qu'elle vivra assez longtemps pour laisser s'exprimer cet étrange et merveilleux talent qui l'habite comme un esprit en cage. Ensuite, Truman et Marilyn se perdirent de vue. Il ne la revit qu'aux obsèques de Constance Collier, à New York. Elle s'était installée au Waldorf Astoria. Dans cet hôtel, elle aimait sa suite au 27e étage qui donnait sur Park Avenue, qu'elle regardait dans la nuit comme on regarde un visage qui dort. Mais elle aimait surtout les portes à tambour de l'entrée. Revolving doors, portes tournant et retournant. La chose et le nom la fascinaient. C'est l'image de nos vies. On croit qu'on va, mais on vient. On revient en arrière. On ne sait pas si on entre ou on sort. Si tu veux, mais pour moi c'est d'avoir l'image de l'amour. Chacun est seul entre deux portes de verre. On se poursuit et on ne se trouve jamais. On est loin en soi-même et on croit être tout contre l'autre. On ne sait pas qui précède et qui suit. Tu as vu, c'est Marilyn. Comme les enfants, on se demande qui a commencé à aimer. À ne plus aimer. Où est le bar ici? Je sais jamais. Ah, c'est pas là. À la chapelle du funérarium, Marilyn arriva en retard. De loin, elle lança à Truman. Oh, chérie, je suis désolée. J'étais prête. Et puis j'ai décidé de ne pas me maquiller les yeux et d'arriver sans rouge à lèvres ni rien. C'est pas trop tôt. J'ai dû tout enlever. Et en plus, je savais pas quoi mettre. Allez, viens, ils nous attendent. Oui. Truman Capote comprenait son anxiété profonde. Il se disait, quand on n'arrive jamais moins d'une heure en retard au rendez-vous, c'est qu'on est empêché de partir par l'incertitude et l'angoisse, non par la vanité. Moi, je peux pas voir de cadavre. On n'en verra pas. On est dans un salon funéraire. J'imagine qu'il doit y en avoir. Pas rentrer dans une pièce remplie de macabées. Sois un peu patiente, on va aller dans un petit bar juste après, je t'offrirai une rôteuse. C'est l'angoisse, encore, la tension due à l'incessant besoin de plaire, qui pour une large part occasionnait les fréquents maux de gorge de Marilyn et l'empêchait de parler. L'angoisse qui se traduisait en ongles rongés, en mains moites, en petits accès de rire gloussant à la japonaise. L'angoisse qui n'abolissait pas pour autant l'éclat de son attitude, pour le reste si flamboyante. Marilyn était toujours en retard, comme tous ceux qui ne sont pas arrivés au bon moment dans la vie de leurs parents, comme tous ceux qui n'étaient pas attendus. J'ai besoin d'une teinture. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais regarde ça. Pauvre innocent que je suis. Moi qui t'ai toujours cru une vraie blonde 100%. Je suis une vraie blonde. Mais personne ne l'est naturellement comme ça. Et d'ailleurs, je t'emmerde. 20 ans plus tard, Truman Capote achèvera son portrait de Marilyn, une radieuse enfant, l'un des meilleurs textes courts qu'il ait jamais écrit. Époque, 28 avril 1955. Décor, la chapelle du foyer funéraire universel à l'angle de Lexington Avenue et de la 52e rue, New York City. On enterre l'actrice Constance Collier. Marilyn, je ne veux pas voir de cadavre. Truman Capote, pourquoi enverrait-on ? Marilyn, c'est un salon funéraire ici. Ils doivent les garder quelque part. J'ai bien besoin de ça aujourd'hui. Entrez dans une pièce remplie de macchabées. Truman Capote, sois un peu patiente. On va aller dans un petit bistrot et je t'offre une rôteuse. Nous nous assîmes donc et continuâmes à bavarder. Et Marilyn déclara : je déteste les enterrements. Je déteste les enterrements. Je serais drôlement contente de ne pas être obligée d'aller au mien. D'ailleurs, je ne veux pas d'enterrement. Juste que mes cendres soient jetées dans les vagues par un de mes enfants. Si jamais j'en ai. Vous avez terminé ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je serais pas venue aujourd'hui, sauf que Miss Collier s'occupait bien de moi. De mon avenir. Elle était comme une grand-mère pour moi. Une vieille grand-mère coriace. Et elle m'a appris des tas de choses. Elle m'a appris à respirer, entre autres. Ça m'a beaucoup servi. Et pas seulement pour jouer. Quelquefois, c'est un vrai problème de respirer. On s'en va. J'ai besoin d'air. Tu veux partir ? Mmh. Allez, viens, on s'en va, viens. Oui, d'accord. Les anges blancs s'éloignèrent l'un de l'autre et chacun disparut dans le blanc de l'oubli. De leur dernière rencontre à Hollywood en juillet 1962, Truman avait dit : elle n'avait jamais paru aussi bien. Elle avait perdu pas mal de poids pour le film qu'elle devait tourner avec George Cukor. Et son regard reflétait comme une maturité nouvelle. Elle avait arrêté de glousser. Si elle avait vécu et gardé sa silhouette, je crois qu'elle serait encore irrésistible aujourd'hui. If I know just what to say when some trouble heads his way. Ralph Grinson les revoit tous les deux, lui et sa patiente, parlant face à face comme des acteurs maladroits. Des danseurs dans le noir, comme disait la chanson de Sinatra, que Marilyn chantait souvent à mi-voix pendant les séances où elle avait du mal à articuler un mot. Tout n'avait été que mise en scène, qu'acte au sens théâtral. Mise en scène, le transfert. Mise en scène, les souvenirs, les récits, les rêves. Mise en scène, les costumes endossés devant lui pour les rejouer, et ceux qu'elle lui avait fait revêtir sur son théâtre intime. Mise en scène, ses propres répliques, à lui, dans la tragédie dont elle était l'auteur. Mise en scène qu'il avait réduit au rôle de simple portant, où elle accrochait les défroques des scènes précédentes, au moment du changement de décor. La comédie était finie, le rideau tombé, l'énigme de cet être restée entière. L'identité de Marilyn, ses vêtements endossés dans lesquels elle se masquait, se livrait, se masquait encore. Son transfert théâtral, ce trop d'amour qu'elle lui témoignait. Sa passion à être nue, son image faite d'exil et de tremblement, comme en déséquilibre au bord de l'écran, cette façon qu'elle avait, dans la vie comme dans ses films, de marcher sur le fil invisible qui sépare le réel brut de l'absolue fiction. Parfois, je pense que tout ce que je dois faire, c'est être vrai. Mais ça ne vient pas comme ça, et je me dis que je suis une faussaire. Quelqu'un qui sonne faux. Un jour d'hiver, près de 15 ans après la mort de Marilyn, Grinson apprit que Truman Capote était à Hollywood pour jouer dans Murder by Death, un cadavre au dessert. Le psychanalyste demanda à Joan Carson, une amie commune, s'il pouvait rencontrer l'écrivain qui logeait alors chez elle. Il ne lui dit pas qu'il voulait parler de la mort de Marilyn. Vous l'avez connue quand elle n'était pas encore le mythe qu'elle est devenue, juste une actrice. Vous savez, je l'aimais, Marilyn. Et vous êtes assez intelligent pour savoir ce qu'aimer veut dire, dans la psychanalyse comme ailleurs, dans ce que vous appelez la vraie vie. Je ne suis pas sûr que nous parlions de la même chose. Pour vous, psychanalyste, l'amour est un remède. Pour moi, c'est la maladie elle-même. L'amour, quelque chose d'un peu bête. Un jeu d'enfant, si vous voulez, où chacun jouerait à être la mère de l'autre. L'amour est un lien. Deux personnes se prennent pour objet. Ils donnent, ils reçoivent. Pas deux personnes. Deux détresses. Deux êtres mal finis qui cherchent en l'autre ce qu'ils savent ne jamais pouvoir trouver en eux-mêmes. Vous savez ce qui montre qu'une relation sexuelle est devenue une relation d'amour ? Deux signes. Le premier est une intimité psychique immédiate, un retour à l'enfance, au sens d'infans en latin, qui désigne celui qui ne parle pas, l'être de détresse, dépourvu de langage. Je ne devrais pas apprendre ça à un psychanalyste. Ça se traduit par un idiolecte, un parler bébé, l'usage de petits noms et d'une petite voix, un petit langage entre les petits amants. Et le deuxième signe de l'amour est l'accès à l'analité. Oui, monsieur l'analyste. Parler à l'autre de sa digestion, de son excrétion, de sa merde. Comment distinguer l'amour que nous nommons de transfert en psychanalyse et l'autre ? Vous êtes incorrigibles, vous les psychanalystes. Vous ne voulez donc pas voir que l'amour ne justifie rien, ne donne raison à rien, ne donne tort à personne ? Qu'il est juste une question de langue ? Vous êtes là à vous justifier. Je l'aimais. Et alors ? Votre amour était un amour tuant. C'est tout. Sa mort, c'est bien ça. C'est comme le titre du film où je joue en ce moment. Meurtre par mort. C'est la mort qui l'a tué. Personne d'autre. Ni elle-même, ni qui que ce soit. Au revoir, docteur. Well, I was very tall and thin. I was taller than all the... I was as tall as I am now. And very, very thin. Mm-hmm. At 11, things changed. And I never grew any taller, but they always said, oh, she's going to be a very tall girl. Novembre 1979. Face au journaliste qui l'a chargé de rédiger avec lui ses mémoires, le psychanalyste Milton Wexler commence son récit d'une voix lente. La veille, par un jour brumeux, il avait dit adieu à son collègue et ami Ralph Grinson. L'analyste de Marilyn Monroe était mort. Par quoi commencer ? C'est loin, tout ça. Si loin. La seule chose qu'on puisse faire avec un ami mort, c'est de le détester. Lui en vouloir d'être parti. Pauvre Romy. Il n'a pas compris grand-chose à cette histoire. Et nos collègues psychanalystes n'ont pas compris grand-chose à son destin. Avant de franchir la ligne fatale, je regarderai dans un petit miroir ce qui s'est passé de si confus, drôle et pathétique dans les années Marilyn. Vous n'avez pas idée de ce qu'était la psychanalyse à Hollywood. Quand les réalisateurs étaient sur nos divans, nous écrivions pour eux des scénarios. Romy, Ralph Grinson, voulait que ces cures ressemblassent à des films qu'il aurait mis en scène. Hier, son enterrement a été une farce, comme tous les enterrements. En y assistant, j'ai pris un plaisir amer à repasser mes vieilles images et à chercher à me ressouvenir de notre dernière rencontre. J'avoue que ma vision est brouillée. Rassurez-vous, c'est l'âge, pas les larmes. Si je faisais un film sur la cérémonie d'hier, ça donnerait à peu près ça. En incrustation, novembre 1979. Plan général du cimetière, puis cut, gros plan sur la plaque d'une tombe, Ralph Grinson. Une voix d'homme, vieillie, off. On m'appelait Romy. J'ai voulu reposer là, dans le cimetière des stars. Elle est à Westwood Memorial Park Cemetery. Je ne suis jamais retourné devant sa plaque. Je n'ai pas, comme elle, ma paume en creux sur le ciment de Hollywood Boulevard, ni mon étoile de bronze scellée dans la pierre du Walk of Fame. Je suis une étoile de deuxième grandeur, pas de celle qu'on voit briller longtemps encore après leur destruction. Pauvre Romy. Il aurait aimé avoir le premier rôle, ou au moins le second. Être le partenaire de la star. Il ne s'est pas rendu compte qu'il allait en fait devenir un figurant dans la vie de Marilyn. Seulement un figurant. La mort de Marilyn l'a cassé. Après, il a survécu. Mais il n'a plus jamais été le même. Il y avait eu entre eux quelque chose de secret, une sorte de pacte de passion, dans lequel chacun semblait dire à l'autre « Je ne mourrai pas tant que je resterai sous ton emprise. » Sacré Roméo, il l'a bien perdu, sa Juliette. If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. 8e épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Laurent Cléry, Truman Capote, Liliane Rover, Constance Collier, Philippe Lodenbach, Milton Wexler. Et avec Valérie Branque, Jean-Pierre Durand, Alexis Furic, Anna Amélie Heinz, Pauline Ziadé. Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julien Mint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoisse. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. Gone forever down the river of no return. Whalery. You'll never return to me.